sur sa tête de bois. Il doit tenir le rythme et ne pas lâcher la croix sur la chaîne. Il n'est qu'une virgule sur la langue imbécile, un point de non-recul à la merci de la folie. Sur la chaîne, sur la chaîne, c'est le temps qui s'écoule, les minutes que l'on presse sur la chaîne. Sur la chaîne, sur la chaîne, c'est le temps qui s'écoule, les heures que l'on caresse sur la chaîne. Qui ne soit persistant entre flamme et fumée, c'est bien le temps qui tue le temps sur la chaîne. Amassé devant la manufacture du temps, combien de générations devront se casser le dos sur la chaîne? Sur la chaîne, c'est le temps qui s'écoule, les minutes que l'on presse sur la chaîne. Sur la chaîne, sur la chaîne, c'est le temps qui s'écoule, les heures que l'on caresse sur la chaîne.